3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bienvenue dans le programme hebdomadaire Have a Knicks Week de KNF TV. Avec moi, toujours aussi bien accompagné, Julien. Salut à toi, Julien. Salut Joe, salut à tous. Bon, j'espère que tu es en forme. Les fêtes de fin d'année arrivent. On a une grosse vidéo à vous faire. Une vidéo un peu plus grosse que d'habitude. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle ne va pas durer une semaine, mais deux semaines, parce que oui, on a une vie, parce que oui, on a une famille, parce que oui, il y a des fêtes, et donc du coup, exceptionnellement, vous n'aurez pas de Have a Knicks Week la semaine prochaine, lundi prochain, donc cette vidéo fait office de vidéo pour la période des vacances, pour la période des vacances scolaires, pour la période des vacances de Noël. Donc une vidéo de deux semaines, avec encore, comme vous le savez, toujours beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et en plus, j'ai envie de vous tenir en haleine, une fois de plus, pour vous annoncer qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'annonce à la fin de la vidéo. Donc restez vraiment jusqu'au bout de la vidéo, on a une petite annonce sympa à vous faire, et puis voilà. Allez, on perd pas plus de temps, Julien, on attaque, on revient sur ce qui s'est passé côté Knicks, sur la planète orange et bleue, sur la semaine passée. C'est parti ? Let's go ! Let's go, on parle du programme, de toute l'actualité de la semaine passée. Les temps sont durs côté Knicks, les temps sont toujours durs côté Knicks, mais on aime bien avoir quelques petites bonnes nouvelles pour commencer cet épisode, pour commencer ce Have a Knicks Week. Et cette semaine, qu'est-ce qu'on a appris ? Un heureux événement, la famille Knickerbocker va s'agrandir. Pourquoi ? Parce que deux commentateurs... Wally Charbiak, alors le nom j'ai toujours eu du mal à le prononcer, si vous arrivez à mieux le prononcer que moi, n'hésitez pas à me rectifier en commentaire sur la prononciation du nom de famille de Wally, et Rebecca Harlow. Alors personnellement, je ne savais pas qu'ils étaient en couple, mais ils ont fait une petite annonce comme quoi, effectivement, ils attendaient un heureux événement, la naissance d'un petit Nyx, d'une petite Nyx, on ne sait pas encore, on verra, on n'a pas plus de détails sur l'annonce du terme et tout, on verra tout ça. Mais en tout cas, on avait vu le ventre un petit peu rebondi de madame Rebecca Harlow. Maintenant, on sait qui est le père. Voilà Julien, je ne sais pas si tu étais au courant, mais c'est la petite news people pour démarrer cette semaine de Noël, on va dire. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur la planète Knicks, sur la planète Gotham? On a un joueur qui est venu au Madison Square Garden. Il était attendu, il était annoncé, on parlait d'un record. Stephen Curry a débarqué au Madison Square Garden. On peut dire qu'il a été bien reçu, l'ensemble de la communauté Knicks et des fans new-yorkais étaient présents pour répondre à cette soirée historique, de gala, monumentale. Il y a eu peut-être un petit peu beaucoup trop de célébrations au goût de certains. Bon, c'était un moment d'histoire. Spike Lee s'est même roulé par terre pour prendre des photos. Ça a un peu fait jaser, ça a un peu fait parler pour un fan des Knicks, d'en faire autant pour Steph Curry. Mais bon, voilà, il faut reconnaître que Steph Curry, avec toute cette carrière, a quand même marqué l'histoire de son sport, a marqué l'histoire de la Ligue, est devenu une légende de la NBA de par ses titres, mais également de par ce record. Donc voilà, il fallait qu'on le salue comme il se doit. C'est pas chez les Knicks qu'il aura fait sa carrière, mais bon, c'est quand même une belle histoire que celle de Steph Curry. Et ce record est tombé, a été franchi, et est maintenant sa propriété depuis un match au Madison Square Garden. Un petit mot sur Steph Curry, Julien ? On en parlera tout à l'heure, félicitations à lui. Moi, je fais partie des rabat-joie qui trouvent que on est New-Yorkais avant tout, ça va 5 minutes ces célébrations. Et... Après, la NBA reste un spectacle, mais je trouve que voilà, arrêter le game et tout, voilà. C'est un petit peu disrespect pour l'équipe adverse. Le storytelling était prévu à New York, je suis quasiment sûr, sur les 2-3 derniers matchs, il n'a pas flambé à 3 points parce que voilà, c'est toujours mieux. Se réservait un petit peu pour les lumières, les spotlights de Broadway. C'est dès le départ qu'il score son truc, donc voilà, c'était fait exprès. Depuis quelques matchs, je pense que c'était calculé pour que ce soit fait au Madison. Les Ricains sont assez forts là-dessus pour ne pas laisser de choses au hasard. Voilà. Bon record. Bon, c'est fait, c'est passé. On le savait. Il y avait un peu de spoiler. Mais en tant que supporter, voilà, sur notre parquet, ça va 5 minutes. Après, les tonnes et les tonnes qu'on a fait, bon, un petit peu trop. Bon, c'est sûr qu'il n'était pas au Chase Center. Je crois que c'est Chase Center à San Francisco. Mais bon, on avait l'impression, même de par tous les jerseys des Warriors dans les tribunes, que bon, il y avait beaucoup de fans des Warriors ce soir-là. Bon, on va reparler vite fait de notre équipe. Et de nos petits jeunes, les petits jeunes se montrent. Kevin Knox, Obi Toppin, Quentin Grimes, Miles McBride, Emmanuel Quickley, bien sûr. Voilà, en ce moment, on a l'impression que match après match, c'est les petits jeunes new-yorkais, les petits jeunes knickerbockers qui se montrent. C'est bien, c'est beau. Ça fait pas forcément gagner plein de matchs, mais c'est un peu rafraîchissant là où dans cette saison les motifs de satisfaction sont un petit peu compliqués. Donc on a l'occasion ces derniers temps de les voir un petit peu à l'œuvre et c'est pas plus mal. C'est un peu de circonstances. Et puis de circonstances, malheureusement, après un match record en carrière pour les uns, pour les autres, malheureusement, c'est le protocole sanitaire, le protocole Covid qui est annoncé. Et en ce moment, les uns après les autres se retrouvent à être out of the rotation par la force des choses. Donc là, en ce moment, la situation sanitaire est compliquée chez les New York Knicks. N'est-ce pas, Julien? Catastrophique. Catastrophique. Catastrophique. Et chaque jour, on a l'impression. Du coup, on se retrouve même à signer des joueurs pour compléter le roster. Écoute, moi, j'ai l'impression qu'on est sur le calendrier de l'avant du Covid. Chaque jour, tu as une case, chaque jour, tu as un joueur. Donc, c'est catastrophe. C'est dommage, effectivement. Et du coup, les Knicks en sont arrivés même, on va dire, à devoir re-signer des joueurs. Donc, on a. Tyler Hall qui a signé un contrat de 10 jours. Bon, 10 jours, c'est parfait, c'est juste la durée d'un protocole sanitaire. Et puis, on a ressorti qui? On a ressorti Kemba Walker, lui qui était out of the rotation il y a quoi? Il y a à peine un mois. Bon, et ben voilà, maintenant, Kemba, tu peux jouer. Donc, on va en reparler, on va rentrer dans le vif de l'actualité de la semaine. On va redébriefer ces trois matchs qui se sont déroulés cette semaine. Mais il s'est quand même vraiment passé beaucoup, beaucoup de choses. Alors, Julien. Cette semaine, t'as regardé les matchs, comme moi. C'était pas un bonheur. Bah oui, on est obligé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de Steph Curry, mais il n'y a pas que Steph Curry. Qu'est-ce qui s'est passé sur la planète Knicks, au Madison Square Garden et ailleurs? Voilà, on a commencé par le match contre les Warriors. On reçoit les Warriors. C'est le match le moins intéressant des trois, au final, cette semaine. Dans la mesure où les Warriors étaient au-dessus, le fait d'arrêter le match pour Steph Curry et tout, ça a peut-être fait un petit peu perdre de la lucidité à l'Onyx, qui était quand même en grande difficulté. On a eu un Julius Randle dans ses standards et un Derrick Rose plutôt pas mal. Maintenant, on a commencé cette semaine avec l'absence notamment de R.J. Barrett et Obi Toppin en protocole Covid, comme tu l'as dit. Et on a quand même vu que ça commence sans ces deux joueurs à être très compliqué au niveau scoring, au niveau de l'énergie de la seconde unité. Et avec un Evan Fournier catastrophique contre les Warriors, 6 points, 4 points, je ne sais même plus. Enfin, c'est 2 points. Il me semble que c'est 2 points en plus de 30 minutes. Ah, donc, effectivement, c'est sa pire soirée de la semaine, c'est son pire match. Lui qui était déjà pas mal ciblé par les critiques, notamment aux US. Un peu moins en France, hein, on l'a dit, il y a une certaine bienveillance vis-à-vis de Evan. Même s'il faut appeler un chat, il faut dire les choses. Il n'est pas bon, il n'est pas régulier aux Knicks. Il y a eu du mieux dans la semaine, mais là, sur ce match, il était vraiment catastrophique. Puisque les Warriors ne nous éclatent pas de 50 points, je crois qu'on perd 10 points. Le match est très moyen. Il y a en fait un faux rythme. La célébration de Stephen Curry a fait que c'était un faux rythme et qu'on n'a jamais réussi à se mettre dedans. Mais justement, avec un Evan Fournier qui pouvait apporter du scoring, de la niaque et tout, on aurait peut-être pu faire autre chose, comme souvent cette saison, peut-être pu, mais on n'a rien fait. RJ qui est quand même le lieutenant numéro 1 de Julius, absent, et Toppin dans son totalement l'énergiseur dont l'équipe a besoin, ça manque grandement. Donc ce match, on n'en attendait rien, faut pas se mentir, les Warriors sont quand même largement au-dessus. Je pense que si on était revenu dans le match, il y avait quand même l'accélérateur possible en face des Warriors, sachant que Curry aurait certainement voulu gagner son match le jour où il bat son record. Donc bon, on aurait certainement perdu quoi qu'il arrive, mais en tout cas la prestation d'ensemble est dégueulasse. Alors après, il y a quand même quelques petits points positifs, même si voilà, c'est une défaite qui était peut-être annoncée. Il y a du Quickley qui est plutôt bon sur ce match. Ouais. Il y a du Miles McBride qui commence à pointer le bout de son nez. Voilà, donc c'était les petits points de satisfaction qu'on a pu ressortir de cette rencontre. Dont je ne peux me satisfaire, puisque ce sont des points de satisfaction. Si on était 2 ans en arrière avec une équipe qui est au bas fond, qui joue la loterie, je te dirais oui, là on voit des choses, on voit des pépites. Quickly reste quand même, voilà, en Dancy, même si c'est toujours un vent de fraîcheur. Mais tu as quand même le sentiment qu'il est encore un peu juste pour faire basculer un match, tu vois ce que je veux dire. Et puis on a encore ce problème, on en parle vraiment que ce n'est pas le seul match, mais où on court au score, on essaie de revenir par des runs. Mais c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Donc on va passer directement au second match, match où on allait à Houston, match piège contre des Rockets dégueulasses en début de saison, mais qui sortait de plusieurs matchs d'affilée très intéressants sur une série de victoires. Et bon, toujours des joueurs en protocole Covid. Il y en a même un qui s'est rajouté, je crois, pour ce match-là, c'est notre ami Derrick Rose. Derrick Rose qui s'est fait la cheville. Bon, du coup, ça a pu profiter à Miles McBride, voilà, mais effectivement, il manquait ce vétéran-là, quoi. Donc il manque Derrick Rose, tu te dis bon, ça va être là, tu te dis ça pue quand même, hein, ça pue fortement. Et puis t'as Miles McBride qu'on a peu vu en ce début de saison, en vérité, beaucoup moins que Grimes du coup, qui était l'autre fraîcheur dont on a parlé la semaine dernière. Et c'est vrai que du coup, bah McBride en a profité, on a bien profité. Alors il a fait du scoring puisque il finit à 16 points, mais moi c'est pas là-dessus que je veux revenir. C'est sûr, c'est 9 passes décisives. 9 passes décisives pour un rookie, alors que cette année, 0 balle perdue. Et 0 balle perdue. 0 balle perdue. Et surtout, cette année, personne ne fait, à part Randle qui est de temps en temps dans ses standards où il approche les 8-10 passes, mais bon, voilà. Dans la catégorie meneur, Derrick Rose compris, on n'a personne qui approche les 9-10 passes, qui fait jouer son équipe. Et si il faudrait qu'on regarde effectivement, qu'on revienne un petit peu sur ses stats, mais ça se trouve, ce 9 passes sur un match, c'est le record de la saison. Pour un meneur, voilà. Et qui un meneur rookie qui voilà meneur rookie qui joue plus longtemps parce à l'opportunité mais parce que le vétéran se blesse, donc voilà. Et puis c'est surtout qu'on a vu de la lucidité dans ses actions, dans ses choix. Les gars, pas paniqué, et surtout une belle présence défensive, très belle, faut le dire. Ouais, présence, il a beau ne pas être très grand, avoir peut-être des grands bras, mais il colle son adversaire. Et je me rappelle d'un moment donné où tu sens que le gars s'est dit c'est le moment, tu vois. Je vais prendre cet exemple là, il prend le rebond def, je crois, de mémoire, sur une très bonne défense, ça va lui revient, il part contre-attaque, il part à 3. Un gars qui aurait eu tendance à hésiter ou quoi que ce soit se serait dit, je vais peut-être passer ma balle. Non, le gars, il a quand même été haulé up, contesté, en se disant, c'est mon opportunité, c'est ma chance, je me montre en ce moment. Donc, il a montré aussi preuve de caractère, preuve de lucidité offensive en faisant 9 passes, en faisant tourner l'équipe. Donc, on peut se dire que ce petit bonhomme, McBride, pouvait en début de saison, on n'entendait rien. Alors, j'ai pas envie de te dire, il va être meneur titulaire. Non, ça serait une connerie. Ah, certains en ont envie, certains le demandent, certains le réclament. En se disant, mais on n'a rien à perdre. J'ai entendu, on m'a cité des exemples. Oui, Greg Popovich aux Spurs n'avait pas hésité au bout de quelques matchs à mettre Tony Parker dans le grand bain, à le mettre meneur titulaire. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas la même chose aux Knicks ? Tony Parker a été drafté dans cette idée qu'il prenne la relève sur la saison. Ça s'est fait différemment. Je pense que McBride. Peut-être pas le talent de Tipeee aujourd'hui quand même, parce que Tipeee avait quand même un sacré mental et un sacré talent aussi. On lui souhaite de faire une aussi belle carrière, hein. On lui souhaite, mais pour l'instant, on a trop peu vu encore. Maintenant, aujourd'hui, ce qui peut être sa chance, c'est que Alec Burks en meneur, ça ne va pas. On en a parlé, effectivement, il faut un vrai poste 1. Derrick Rose, mine de rien, il joue plus, il se pète parce qu'il joue titulaire et tout, c'est pas la même chose que dans son confort de seconde unité dont on en a besoin. Donc écoute, aujourd'hui, pourquoi pas, j'ai envie de te dire... Titulaire, je ne sais pas, ça sera lui mettre une pression importante, ça veut dire tiens, on te file les clés du camion et maintenant si on gagne, c'est grâce à toi, si on perd, c'est ta faute. Augmenter ses minutes considérablement, fil des prochains matchs et de se dire on fait un bilan dans 10 matchs, pourquoi pas, le problème... Moi personnellement, j'aimerais bien voir Derrick Rose responsabilisé dans ce mode de titulaire. Et puis Miles McBride en seconde clairement, rotation. Clairement, on veut plus Burks en titulaire, on veut toujours Burks dans l'équipe, on veut toujours Burks dans l'équipe. Pas Burks en titulaire au poste 1. Mais pas Burks en titulaire au poste 1, clairement, c'est pas lui faire justice, et puis c'est pas bon pour notre équipe. Donc voilà, après, il faut pas que McBride, Covid, tout ça, on connaît, hein, c'est compliqué après. Et on va parler du troisième match. Et voilà, le troisième match. Donc, on n'avait plus Derrick Rose, on n'avait plus Miles McBride. Burks, lui, n'était pas en Non, on protocole n'avait plus Covid. Grimes. Voilà. On n'a plus Emmanuel Quickley. Bon, qui est-ce qu'on ressort? RJ Barrett n'est plus là. Topin n'est plus là. Donc, moi, perso, j'ai appelé Thibodeau, mais il m'a dit non, tu pourras pas. T'es à un moment donné, il a regardé son banc, il a regardé les joueurs, il a dit bon, bah, Kemba. Kemba par-ci, ouais. Pas par-là. Donc, Un peu retournement de veste, on est d'accord. Hein. On est d'accord pour le dire. On l'avait salement mis out of the rotation. On aurait pu je pense que par la force des ou... choses, qu'est-ce qu'il a? Il avait pas grand-chose à faire d'autre. Quand tu vois que dans ce match contre Boston, il y a 7 joueurs qui ont joué. Ouais, il n'y avait plus personne. Il y avait plus Ash personne. Ça, et le dernier, c'est. Rappelle-moi. Wayne Sheldon. Donc, quand tu te dis que 7 joueurs ont Taj, qui a joué quasiment 20 minutes, je crois. 22 minutes, ouais. Ouais. Taj, 20 minutes, c'est beaucoup hein, pour un mec de 60 ans. Et Wayne Sheldon, voilà, qui lui, d'habitude, n'enfile jamais son short parce qu'il ne pense pas jouer et qui est plutôt en train de boire du Gatorade, s'est retrouvé à jouer quasiment 15 minutes. Donc, ouais, forcément, on a une rotation qui est dangereuse. Et Kemba, forcément, qui joue 30 minutes, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. En plus. Mais même s'il n'avait pas le choix, bon, c'était un contexte particulier. C'était le retour à Boston. Vous vous rappelez du Bing Bong en début de saison, le match d'ouverture phénoménal. Sur la fibre, de toute façon, Kemba serait revanchard pour deux raisons. La première, c'est que tu as été benché pendant un mois, pendant trois semaines, tu as envie de prouver. Et deuxièmement, tu joues contre ton ancienne équipe, tu as envie de prouver. Donc c'était gagnant-gagnant. Mais résultat, on peut dire qu'il a quand même prouvé, en tout cas en termes d'apport offensif. La défense, ça reste du Kemba Walker, hein. Ça n'a pas changé, c'est pas parce qu'il a été benché, c'est pas parce qu'il joue contre Boston qu'il va se transformer en défenseur élite, qu'il va se transformer en Miles McBride, mais offensivement, ouais. Il s'est montré présent et voilà, il a mis des paniers qui comptent quand même. Quoi. Juste défenseur élite, Miles McBride après deux matchs NBA. Non, mais voilà, on est d'accord que si on compare déjà les deux joueurs, on voit qu'il n'y a pas les mêmes attitudes après, en termes de joueurs défensifs. Il y a quelque chose qui est différent aussi entre les deux, McBride est un jeune joueur en pleine forme physique, avec une énorme tonicité. Et on connaît les problèmes de santé voilà. de Kemba. Kemba. Déjà, Kemba en forme, c'était pas un défenseur. Kemba qui Kemba est au était quand retour. Même beaucoup explosif avant, mais il a quand même perdu beaucoup en tonicité et en explosivité. Ça se sent sur la défense énormément parce que ça ne te pardonne pas en NBA. Tu ne peux pas te cacher comme on peut l'avoir des fois en Europe avec une défense de zone. Sur du 1 contre 1 avec un meneur explosif en face, très vite. Surtout que cette saison, derrière, voilà, la défense, elle n'est pas non plus... Très vite, sur le premier pas, tu te fais driver et prendre. Et le problème de Kemba, pour faire court, c'est que quand il se retrouve face à un meneur shooter et explosif, il est obligé de rester un pas en arrière. Parce que s'il n'a pas ce pas en arrière, il se fait driver 100%. Il n'a plus l'explosivité. Mais le problème, c'est que s'il reste un pas en arrière, on le shoot sur la gueule. Donc le gars, sur chaque action, il est en difficulté. Ce n'est pas une critique. C'est un constat. C'est très difficile pour lui. Ce que Derrick Rose arrive à faire, puisqu'il a quand même encore plus de tonicité à son âge malgré tout, Kemba n'y arrive pas. S'il reste sur le mec, il se fait driver 100%. Il est toujours en retard. Et s'il reste trop loin, les mecs le shootent dans la gueule. Donc c'est très très compliqué et on l'a vu. Après, offensivement, il a apporté. Mais voilà, il faut quand même tout de même saluer son retour, son professionnalisme, la façon d'être resté mentalement prêt à revenir. Il a été professionnel puisqu'il n'a jamais foutu la merde dans l'équipe ces dernières semaines et toujours à féliciter les gars sur le banc et ça, bravo à lui parce que c'est très rare quand même de mettre son cas à partir. En NBA et toujours voilà. Avec le sourire en plus. Toujours. On parle beaucoup de body language. J'entends beaucoup parler de body language. On fera sûrement un petit passage en mode podcast sur les body language. Hein. Au moins Kemba Walker, il sourit tout le temps. Qui gagne, qui perde, qui soit benché, qui soit starter, il sourit tout le temps. Je sais pas si c'est mieux comme body language, c'est plus sympa de voir quelqu'un qui sourit. Mais rappelez-vous Dwight Howard à l'époque où il se prenait pilé sur pilé, il souriait tout le temps. Il était aussi critiqué pour son body language. Ouais, donc, en tout cas, Kemba, ouais. Il a une attitude positive. Et il a en tout cas, présent. C'est... Il reste répondu présent une attitude positive. Il a répondu présent hier et c'est pas le seul. On va parler Evan Fournier aussi qui met un gros gros match hier. Mais c'est, tu vois, ça, c'est... Il faut qu'on joue plus souvent contre Boston. Ouais, mais hein. là il faut qu'on joue plus souvent. Et Evan est un joueur à fort caractère. Et là où c'est frustrant, c'est se dire que oui, tu déclenches ça contre Boston. Pourquoi tu déclenches pas ça sur d'autres matchs plutôt. Après, il y a deux choses. Un, c'est ton ancienne équipe. Et en plus, mentalement, tu es rassuré, tu vois le banc où il n'y a personne. Donc, tu sais que tu vas jouer tout le match. Tu sais que tu vas avoir... On va te faire confiance parce qu'on n'a pas le choix. Donc le gars, il se dit, je prends mes choux, de toute façon, je ne serai pas remplacé. Il ne joue pas avec le frein à main, parce que de toute façon, sur le banc, il n'y avait personne. Donc c'est lui qui allait jouer. Donc ça lui a doublement libéré. Mais le Oui, problème. mais sur le match contre les Warriors, un petit peu plus tôt dans la semaine, il n'y avait personne de plus pour Ouais, mais venir le titiller ses minutes de jeu, quoi. Donc, il y a quand même eu des rotations qui voyaient. est-ce que les joueurs choisissent leur match? Non, je Je pense ne sais pas. pas. Effectivement, tant mieux qu'il ait brillé, tant mieux qu'il ait performé. Et on a envie, là, ça fait deux matchs où il est plutôt bon, où il prend plus d'initiatives, et tant mieux. Mais on a envie que ça dure. On a envie de voir ce type d'Evan Fournier. Alors, peut-être pas à 30 points tous les soirs, bien sûr. Il aura pas le Mais coffre. entre 15 et 20 points, ça serait l'idéal, ça serait le niveau qu'on attend de lui. Et non pas faire des sorties à 2 points, ou voilà. On a envie de voir un Kemba. Oui, un Kemba, pourquoi pas, mais on a envie de voir un Evan entreprenant et qui ne reste pas juste derrière l'arc. Le Après, basket, c'est pas que du 3 points, n'est-ce pas, monsieur Stephen Curry? il n'y a pas le niveau de Stéphane surtout à 3 points. Hein. Si tu es Stéphane Curry, tu restes à 3 points, perso, ça me dérange moins. Le problème d'Evan, c'est ouais, il va devoir trouver son rôle, encore une fois, il va devoir trouver son rôle offensif, c'est-à-dire d'être dans sa régularité entre 15 et 20 points, ce qu'on avait parlé en début de saison, et à quel moment il doit intervenir. C'est peut-être pas en premier quart-temps qu'on attend qu'il prenne feu, peut-être justement sur le troisième, quatrième, comme lors du premier match contre Boston, où il avait été important, qu'il monte en régime, mais voilà, qu'il prenne confiance sur des shoots peut-être plus simples et des actions défensives. En fait, qui joue à My Player sur Touquet, hein, tu prends confiance, tu copies ta note et après ton pourcentage va revenir. Donc j'extrapole et je rigole un petit peu par rapport à ça, mais c'est vrai. Moi aussi, ce qui m'inquiète aussi, c'est l'apport de nos pivots. Hein. Nos pivots en ce moment, on a besoin d'eux. Ils ne servent à rien offensivement parlant. Offensivement parlant, Ah là là, ils ne servent à rien. les pivots, c'est une autre histoire. Je ne sais pas si on va ouvrir ce chapitre aujourd'hui. En tout cas, ce qu'il faut dire tout de même, c'est que contre Boston, avec un effectif très diminué, les Knicks se sont battus. Les Knicks ont mal démarré la rencontre, mais ils se sont accrochés. Ouais, Ils mais sont repassés devant. Ils ont montré une certaine c'est un trompe-l'œil. capacité de réaction. C'est un Ça reste un trompe-l'œil. trompe-l'œil, Parce mais il vaut que. mieux voir ce type de combat Oui, mais que regarde. d'avoir rendu les armes très tôt. On avait dit ça aussi sur un match, je ne me rappelle plus lequel, où on avait une réaction. Chicago, je crois. Réaction, s'est battu. Et au final, c'était un trompe-l'œil sur les autres matchs qu'on a vus derrière. Bien sûr, on va surtout attendre de la constance. On va attendre de voir si. Cette réaction, si ce nouveau Evan Fournier qu'on voit à l'œuvre, si ce nouveau Kemba Walker qui est réintégré dans l'équipe, est-ce que ça va pouvoir durer? Est-ce que Est-ce que ça va pouvoir durer sur Kemba d'autres matchs, avec va peut-être des affiches plus rester? faciles en plus? Est-ce que Kemba va rester dans la rotation? Quand est-ce que les autres vont revenir? RJ, on doit approcher à la fin de son protocole aussi. Ah, il va y avoir des retours, donc comment on va gérer les retours? Oubli va être Encore plein de choses, sur le encore banc. plein d'interrogations, plein de questionnements, et tout ça va venir sur le programme de la semaine à venir. Du coup, Julien, je te propose qu'on parle des matchs qui vont nous attendre pour les semaines à venir. On y va? C'est parti. Allez, c'est parti. On parle du programme des matchs à venir. Eh oui, on vous avait annoncé des surprises. Alors non, j'ai pas mis un pull moche spécial Noël qui est vraiment très affreux, très vilain, très vert, très Père Noël. Juste pour faire le malin sur la vidéo, on a quelque chose à vous annoncer. Mais ça sera à la fin de la vidéo, donc attendez encore un petit peu. Et oui, je me suis changé aussi très vite, un peu à la Maria Carey, à telle une diva, pour faire un changement de tenue, juste le temps d'un jingle. Voilà, c'est du grand art chez KNF. Bon, alors. Si on revenait un petit peu sur cette histoire de basket, qu'est-ce qui nous attend cette semaine à venir? On arrive sur la semaine de Noël, mais oui. Alors, est-ce qu'il y aura des matchs? Ça, c'est bien difficile de pouvoir le dire et de pouvoir s'en assurer, puisqu'en ce moment, en NBA, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas positifs Covid. Même côté net, hein, Kyrie Irving qui vient revenir jouer, bah, il est aussi positif. Bref, et on a aussi appris que Trae Young, le petit meneur, vous savez, un petit peu dégarni du côté d'Atlanta, a été placé en protocole Covid. Alors, est-ce qu'il aura aussi un protocole d'une dizaine de jours? Si c'est le cas, malheureusement, on ne le verra pas au Garden le soir de Noël. Tant pis pour toi, la mitrée. Oh, dommage. Dommage, dommage. Pourtant, il adore cette salle et bon. Allez, on va pas faire trop les malins parce qu'on est même capable de perdre même s'il n'est pas là. Et donc, du coup, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Eh ben, on a plutôt des matchs. Entre guillemets, qui pourrait sembler à notre portée. Enfin, on espère depuis le début de la saison, à vrai dire. Julien, est-ce que tu te rappelles les trois matchs qui nous attendent cette première semaine de vacances, la Un semaine de match à Noël? domicile des trois. C'est ça, c'est bien. Washington. Pareil. Et le soir de Noël, 18h heure française, Atlanta. On mange de la dinde, on mange de l'aiglon, on mange Atlanta. De nos players. Enfin, sûr, Atlanta. Alors déjà, il faut noter qu'on revient sur un match de Noël, c'était pas le cas les autres saisons. Ça fait plaisir. C'est agréable, 18h, enfin c'était pas le cas, si peut-être l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Faut remonter. Mais on vous refera une petite rétrospective de ce qui s'est passé sur les matchs de Noël très prochainement. Il y a un article qui va tomber sur le blog KNF dans la semaine. Donc, si vous voulez réviser votre histoire d'Enix, vos histoires de Noël, il y a un petit truc qui arrive. Vous inquiétez pas. Donc, mais non, en fait, moi j'ai révisé. Atlanta. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Sérieux, ça me paraissait plus court, mais tu vois. Donc, Atlanta, New York, à 18h, le 25 décembre, au Madison Square Garden, un restaurant branché. Donc, parfait pour la digestion, parfait pour digérer l'excès de bûche ou le supplément de dinde marron. Moi, je suis pas sûr que ce soit si facile que ça, parce que dans les trois matchs, j'en vois qu'un seul à notre portée large, enfin, quand tout le monde est là, hein, parce que là, je ne sais pas qui est sur le parquet. Donc, quand on a une équipe pratiquement complet, Détroit est prenable, Détroit est dégueulasse cette saison, mais honteux d'ailleurs aussi, mais ça c'est ils ont gagné que 4 rencontres à l'heure où on parle, à l'heure où on enregistre, donc on espère qu'on va pas faire de faux pas recevant Détroit. Détroit, si on a nos joueurs qui reviennent et qu'on a un semblant d'équipe correcte, on gagne. Allez, là il y a un moment donné, si on gagne pas, on oublie les playoffs, hein, et puis on bazarre tout et on reconstruit. Donc non. Là, c'est must win, quoi. C'est faux pas interdit. Ah ouais, c'est abattardi. En fait, c'est vraiment dégueulasse. Leur rookie Kate Cunningham est en struggle et va plus décevant que prévu, même s'il y a du potentiel. Et le français, mince, j'ai oublié le nom. Kylian Hayes. Kylian Hayes, qui est un joueur à fort potentiel, n'arrive carrément pas en NBA. Carrément pas. Il y a des stats catastrophiques, le pauvre, et c'est pour sa deuxième saison. Moi, je comprends pas. On disait Frank Ntilikina, Onyx, vous ne savez pas le développer, c'est du gâchis. Qu'est-ce qui se passe à Détroit? Après, c'est compliqué à chaque fois pour les Européens. On l'a dit, la culture, le jeu et tout. Bon, c'est pas le jour d'en parler, mais voilà. Donc, must win obligatoire contre Détroit. Par contre, peu importe les joueurs qu'on aura, il faut gagner. Hein, on retourne à la maison, il faut gagner ce match. Le chat de Noël qui vous passe le coucou, l'hiver. Et contre Washington, ça sera beaucoup plus difficile. Washington est une bonne équipe, une équipe surprise cette saison. Même si c'est les montagnes russes en ce moment c'est pour les eux. Les montagnes russes, mais quand même, c'est une équipe qui a plus de certitude aujourd'hui que nous. C'est une équipe qui tourne mieux que nous. C'est une équipe qui a des joueurs offensifs très forts. Moi, je pense que contre Washington, on va en chier. Hein. Prenable. On les avait joués en pré-saison, on les avait battus. Alors, la pré-saison, hein, on sait ce que ça vaut. Mais voilà, si on veut remonter dans le classement de la conférence Est, faut gagner ce match-là aussi. Le problème aujourd'hui, Joe, c'est qu'on n'a aucune certitude et que moi, Washington, j'ai très peur que ce soit une défaite. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de meneur, est-ce que McBride, d'ici là, est-ce que autre ou quoi je pense pas qu'il y aura de transfert, c'est trop tôt. Il n'y aura pas de trade d'effectuer avant janvier, voire fin janvier. J'espère peut-être mi-janvier. Mais voilà, je pense que ça va être compliqué contre Washington. Et si en plus, tu as deux jours en protocole Covid, ça risque d'être très, très, très, très difficile. Et on terminera contre Atlanta le soir de Noël. Alors, si Trae Young n'est pas là et qu'on a quand même… Ouais, ça sera moins bien, mais bon. Non, mais ça sera moins bien. Mais alors, je vais pas te mentir, j'en ai rien à faire qu'il soit là ou pas. Moi, tout ce que je veux, c'est une win et remonter au classement. Et à un moment donné, il faut gagner des matchs. Attends, s'il n'est pas là, on va chanter quoi? On va chanter quoi dans les travées du Garden? Oh, t'inquiète pas, il sera peut-être sur le banc. S'il est en protocole, faut qu'il se tienne loin de ses coéquipiers. Donc, s'il n'est pas là et qu'on leur met 20 points, je suis content. Tu vois, je serais content. Ouais. Un soir de Noël avec une victoire, c'est toujours meilleur qu'une défaite. Hein. Alors, je vais pas spoiler. Non seulement, j'ai pas vu encore le match, normal, mais quand j'ai révisé un petit peu les matchs passés des Knicks à Noël. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné. Ouais, vous verrez ça, vous pourrez lire ça, vous pourrez faire vos recherches auquel cas, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné. Une petite victoire, ça fera du bien à tout le monde. Ça ferait du bien pour le moral et pour bien finir les fêtes. Et pour le classement aussi, ça... parce qu'il ne faut pas non plus laisser trop distancer, oui, sinon les playoffs. Le classement, pour l'instant, on évite de trop le regarder parce que même si la conférence Est est plutôt dense, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous. Donc ça, c'est pour la première semaine, la semaine, on va dire, jusqu'à Noël. Mais on l'a dit, on enregistre aujourd'hui une émission qui va pas s'arrêter que au match de Noël. On va aussi parler des matchs qui vont suivre parce que nous, on va être en vacances aussi. Hein. On va pas être en protocole, enfin du moins, j'espère pas. Hein, mais on va être en vacances après. Et donc, du coup, qu'est-ce qui nous attend après les festivités de Noël? celles qui vont nous amener jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au premier de l'an. Trois déplacements. On a trois déplacements, donc trois matchs à domicile la semaine de Noël. Détroit, Washington, Atlanta. Et ensuite, trois déplacements. Les Knicks vont être on road. Changement d'année à l'extérieur. Et là, on part où? Tu te souviens-tu? Alors, il y a du Minnesota. Minnesota. Détroit. C'est ça, on retourne à Elmhurst City, là, la ville d'Eminem. On va à Détroit, donc bon, c'est encore un adversaire qui sera tout aussi à notre portée, même chez eux, dans leur Little Caesar Arena. Et pour finir, on va à... OKC. OKC. Donc voilà, donc... Allez, c'est trois matchs sur le papier. Alors, Minnesota plus difficile quand même que les deux autres. Ouais, mais Minnesota pour Thibodeau, pour Rose, pour Kisson, il y aura une idée de revanche, surtout que chez eux, c'est aussi un peu le bordel, où ça gagne moins que ce que ça devrait, ça fait une bonne début. Même si, attention, Anthony Edwards, l'année dernière, il nous avait un peu mis la sauce aussi. Oui, mais... attends, il y a du Carl Anthony Towns, du D'Angelo Russell, Anthony Edwards, c'est plus l'équipe qui est quand même forte, qui est quand même pas trop mal partie en début, qui en ce moment est en difficulté, mais qui a aussi un potentiel, et chez eux, sur un road trip, alors ça sera le premier match des trois, donc bon, voilà. Je sais pas, franchement, Minnesota, c'est difficile à pronostiquer. On aura c'est peut-être celui qui peut être le plus accroché des trois matchs de cette deuxième semaine. Okay, si je me rappelle d'un match où, avec leurs remplaçants, ils nous avaient fait très très mal l'année dernière. Il est parfois difficile de jouer contre des équipes pas forcément trop structurées, pas forcément trop scoutées. Tranquille et tout, et puis il y a des joueurs random qui nous avaient collé 30 points. Du coup, bon, sur le papier, Détroit et OKC, tu dois les prendre, tu dois continuer. C'est vraiment les genres de matchs que tu ne peux pas te permettre de lâcher. Justement, tu dois montrer que quand tu arrives à accrocher des gros comme Boston et Chicago, c'est que tu es capable de rouler sur ce genre d'équipe et pas ressortir un Evan à 4 points, un RD à 8 ou autre. Donc voilà, c'est des matchs prenables. La plus grosse inconnue reste Minnesota. Avec nos Knicks, on n'est jamais à l'abri que Minnesota soit gagné et les deux autres soient perdus. Donc bon, voilà, j'ai envie de te dire. Sur cette semaine-là, on espère deux victoires. Après lesquelles... Alors Julien, donc toi tu espères deux victoires sur cette deuxième semaine. Sur la première, tu nous avais dit combien de victoires? Sur la première... Je sais plus. Ouais. Allez, 3, Washington, Atlanta. 2. Alors ça ferait un petit 4-2 sur ces deux semaines. J'espère repartir sur un bilan positif de 4 sur 6. Ouais. Ça serait vraiment pas mal quand même. Hein, Ça serait pas mal. Bon allez, écoute, moi je suis encore plus dans le positif. J'ai envie d'être dans le positif. Je nous vois faire un 5-1 sur ces deux semaines. Allez, on va dire une défaite à Minnesota. Parce que voilà, je sais pas, le premier voyage ce sera moins bien passé, mais sur les autres, j'ai envie de faire la razzia, j'ai envie de quasiment faire un all-in sur ces deux semaines pour vraiment pouvoir se relancer dans cette conférence Est et finir l'année 2021 compliquée mais en beauté quand même, et pour avoir de bonnes ambitions, parce que par le passé, c'est souvent au moment de Noël qu'on commençait à avoir un petit coup de mou, donc là au contraire j'ai envie que ça nous rebooste. Bah, moi j'ai envie de pronostiquer un petit 5. Alors pour espérer que le coup de mou on l'a déjà eu, parce que bon voilà, mais je sais pas, moi Washington me fait très peur, hein. Mais non ça va aller, ça va bien se passer. Bon voilà, en tout cas on vous a débriefé le programme des deux semaines à venir pour passer de bonnes semaines, de bonnes vacances avec les Knicks. Nous on débriefera ces matchs à la rentrée début janvier. Jeudi, on aura un programme qui vous attend. On vous dit pas encore de quoi il s'agit, mais tout de même sur KNFTV, on va dire un programme historique. Donc il y a un petit contenu qui arrive. Il y a du contenu sur le blog. Et puis Julien, j'avais parlé de quelque chose, moi. J'avais parlé d'une surprise. Je me suis entre guillemets déguisé là, pas pour rien, pas pour faire le beau avec mon vieux pull là. Je vais changer la musique. Oh là, alors directement la musique elle repart pas forcément là où je voulais. Hop. Du coup, pourquoi est-ce que on voulait vous faire une annonce un petit peu spéciale? Ça fait déjà notre 10e épisode sur Avenix Week. Ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on est en rodage sur la chaîne KNFTV, la chaîne YouTube de l'association. Et du coup, on voulait vous faire un petit cadeau. Parce que oui, on est dans la période de Noël. Parce que oui, c'est la période où on fait des cadeaux. Parce que quand on fait des cadeaux des fois aux enfants, surtout aux enfants, hein, on dit rien sur le Père Noël. Et on offre quoi? Bah des petits jeux, des petits jouets. Alors regardez ce qu'on a pour vous. Hop. Alors attendez, j'essaye de jouer avec la caméra. Vous le reconnaissez? Qui est-ce? Il s'est mis le cul par terre, comme dirait Julien. Alors pas défensivement, pour prendre des photos. Il s'est mis le cul par terre au Garden pour la réception de notre petit Steph Curry, le recordman hein, des shoots à 3 points. Et ben du coup, on vous fait gagner une figurine. La figurine à son effigie. Alors voilà, c'est la version j'ai gagné l'Oscar, je sais plus en quelle saison, avec le film Ku Klux Klan, hein, voilà. Un titre imprononçable, mais un très bon film. Spike Lee, le Knicks fan numéro 1, le Knicks fan le plus connu. D'ailleurs, on a fait une vidéo le concernant, un Knicks Story le concernant sur la chaîne, donc allez le voir si vous ne l'avez pas vu. Et donc, comment on fait, Julien, pour gagner ce jeu, ouais. ce jeu concours? Et ben voilà, il y a un petit flyer à côté de la vidéo qui donne quelques indications. Ça va être très simple. Il va falloir, 1, liker, vous abonner sur la chaîne KNFTV. Bah, c'est la moindre des choses quand même. On fait gagner des cadeaux, c'est au moins pour récupérer un petit follower, un petit like. On est, voilà, on demande pas grand chose, mais au moins ça. Et puis ensuite, il va falloir mettre en commentaire de cette vidéo, donc il faudra avoir été jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre la règle du jeu, le résultat de la rencontre de Noël, du match contre les Hawks, donc visiblement sans Trae Young. Est-ce que les Knicks vont gagner? Est-ce que les Knicks vont perdre? Et si oui, avec combien d'écart? Donc vous nous dites tout ça, tout simplement, en commentaire, genre Knicks plus 15, voilà, ou Knicks moins 3, on aura perdu sur un 3 points, mon dieu, le soir de Noël, c'est pas cool. Voilà, vous mettez ce genre de commentaires, pas forcément ces réponses-là, mettez-vous par rapport à ce que vous pensez de cette rencontre. Vous mettez ça en commentaire sur la vidéo, et la personne qui aura le meilleur résultat, le résultat le plus proche de la réalité, repartira avec cette petite figurine que je me ferai le plaisir de lui envoyer par courrier dans la semaine des vacances. Voilà, donc vous avez jusqu'au 25 décembre, bien sûr une fois que le match est lancé, on prend plus les réponses, hein. Pas de petite filouterie de ce genre, et puis on tirera ça au sort en fonction des différents résultats qui auront trouvé la bonne réponse. D'ici là, moi j'ai envie de vous souhaiter bonne chance, vous souhaiter de bonnes fêtes avec vos proches, de vous porter le mieux que vous pouvez, surtout éviter tout ce qui est protocole sanitaire, hein. C'est déjà assez relou pour Nonix, donc on n'a pas envie en plus, nous, d'être dans cette situation, et vous non plus. Et puis voilà, passez de bonnes vacances, on termine l'année encore sous les couleurs orange et bleu. Moi, je vais lâcher ce vieux pull, hein, parce que, un, ça gratte, deux, c'est pas les couleurs qui me... qui me vont le mieux, je préfère le bleu, hein, clairement. Et puis on va vous donner rendez-vous très vite. Julien, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos chers téléspectateurs, nos chers auditeurs, nos chers followers? Bonne fête, bon match Genix, protégez-vous bien, prenez soin de vous, voilà. Bonne fête. Doucement sur le chocolat? Non, ouais. Faites-vous plaisir. La vie c'est du plaisir, les Knicks c'est du plaisir, c'est qu'un jour. On est à la salle de sport dès le 2 janvier, et puis voilà. Ouais. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera très bientôt pour des événements aussi l'année prochaine, en 2022. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, participez au petit jeu. Allez, un petit cadeau, ça fait toujours plaisir. C'est pas pour vous, vous l'offrirez derrière, c'est pas grave. En plus, c'est un officiel, hein, c'est pas un vieux truc. Et puis voilà, voilà, c'est tout pour nous. Donc on vous donne rendez-vous très bientôt. Et puis, let's go Knicks, n'est-ce pas? Eh oui, toujours. Toujours. Allez, ciao ciao, bonnes vacances à vous, joyeux Noël. Bye bye, et puis... Bye.